à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet. C'est la 5 année Femmes Fort numéro 597. Presque 600. Et nous sommes le 10 avril 2024. L'album de la semaine, c'est l'album Cloud Nine de George Harrison en 1987. Le grand retour de George Harrison après 5 ans d'exil dans son jardin, à s'occuper de ses plantes, à s'occuper de films aussi, parce qu'il a été producteur, notamment pour ses copains les Monty Python. Et puis à ne rien faire parce qu'il en avait un petit peu marre du show business. Bon, après tout, pourquoi pas. On va écouter Cloud Nine, bien sûr. Il y aura That's What It Takes. Il y aura This Is Love, When We Was Fab, Devil's Radio, Wreck of Hesperus. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Wreck of Hesperus. Et Got My Mind Set On You pour finir. Il y aura également du Lennon, du McCartney, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera Give Me Some Truth en 71 sur l'album Imagine. McCartney nous chantera You Gave Me The Answer To Love Eternally. I love you and you, you seem to like me. C'est sur Venus and Mars en 75. Il le chante bien mieux que moi. Quant à Ringo Starr, qui correspond peut-être un peu plus à ma voix, ce sera Let The Rest Of The World Go By sur l'album Sentimental Journée en 1970. Pour les Beatles, ce sera un petit clin d'œil, donc je vous dis pas qui va chanter en premier en Beatles, mais vous vous en rendrez compte et j'espère que ça lui fera plaisir. Bref, je vous convie à nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. C'est le seul endroit que je regarde parce que sinon je n'ai pas le temps d'aller voir sur yellowsub.net ou d'aller voir sur Maca Club parce que ça me... Il me faudrait de l'aide. Voilà, il faudrait que j'ai... une jeune standardiste qui puisse me faire également s'occuper du site, etc. Oui, bon, enfin, on en parlera plus tard parce que le générique se termine. Donc, 45 ans, un truc comme ça, ce serait bien. Bon, et je vous souhaite une très, très bonne soirée. Voici venir le premier titre, Cloud Nine, George Harrison, extrait de l'album éponyme Cloud Nine. Bonne soirée à tous et à toutes. Like a glove, joy my dream, tell me yes, bail out should there be a mess, the pieces you don't need are mine, take my time, I'll show you cloud nine, take my smile, my heart, they even rose from the start. Pieces to it are mine. Have my love. Use it while it does you good. Share my highs, but the times that it hurts, pain on mine. Those pieces you don't need are mine. I'll see you there on cloud nine. parce qu'il réapparaît en 1987 avec cet album, après 5 ans d'absence. Il n'est pas venu seul, il y a Elton John sur l'album, il y a Eric Clapton bien entendu, et une grande partie de l'album a été coproduit et coécrit avec un certain Jeff Lynne. On devine sa production lorsqu'on écoute la façon dont la batterie est mise en avant, ou même les chœurs, la façon dont les chœurs sont mis en avant, c'est du style Jeff Lynne, leader d'Electric Light Orchestra, un génie qui sera reconnu génial sans doute lorsqu'il disparaîtra, alors qu'il est génial depuis 40, 50, peut-être 60 ans. Allez, 50 ans, on va dire, juste 50 ans déjà, c'est bien. Un autre génie, mais qui a disparu beaucoup trop tôt, c'est John Lennon. En 1971, sur l'album Imagine, il chante une chanson qu'il avait démarrée avec les Beatles. On le voit dans le reportage qui est sorti, vous savez, l'ancien Let It Be. Give Me Some Truth, c'était beaucoup plus cool que la version finale qui apparaît sur l'album Imagine. I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, pig-headed politicians. All I want is the truth. Just give me some truth. No short head, yellow belly, son of tricky dick is gonna mother Herbert's up. So me for just a pocket full of holes. Money for dough, money for roll. Ce que je veux, c'est la vérité. Criait John Lennon en 1971. Quelques années plus tard, 4 ans plus tard, lui, c'est « Tu m'as donné la réponse ». C'est Paul McCartney sur Venus and Mars. To love eternally, I love you. of tea. And I love you, and you seem to like, you seem to like, you seem to like me. Someone like you, a pal so good and true, I'd like to leave it all behind and go and find some place that's known to God alone, just a spot to call our own. We'll find perfect peace where joy's never ceased. Out there beneath a kindly sky, we'll build a sweet Ringo Starr quand il a sorti cet album Sentimental Journée. Il s'écoute très très bien en 2024, soit 54 ans plus tard. C'est quand même dingue. Bon, d'ailleurs tiens, nous sommes le 10 avril. Aujourd'hui, il y a 54 ans, Paul McCartney sortait le disque McCartney. Et dans ce disque, il y avait une fausse interview de McCartney, faite par lui-même, dans lequel il disait « Est-ce que vous avez d'autres projets avec les Beatles ?» Et à la fin, il répondait « Non ». Donc, il n'a pas créé le groupe, mais il était le dernier à en partir parce qu'il a essayé de s'accrocher jusqu'au bout. Mais il a été le premier à le dire médiatiquement. Et pour moi, c'est lui qui signe la fin des Beatles, même si ça a foutu les boules à John Lennon. Bon, depuis le début de cette émission, nous avons écouté certains titres, comme par exemple Cloud Nine de George Harrison. Il y a eu Give Me Some Truth de Lennon. Il y a eu de McCartney You Gave Me The Answer. Et à l'instant, avec Ringo Starr, Let The Rest Of The World Go By. Avant d'écouter Lovely Rita, ça vous dit quelque chose, Lovely Rita? Je vais vous préciser que vous pouvez avoir plusieurs sites sur lesquels vous pouvez tout savoir sur les Beatles. Il y a le site maca.club, spécialisé dans McCartney, mais on peut parler aussi des Beatles sans aucun problème. Il y a le site yellowsub.net, très diversifié sur les Beatles. Et puis, il y a le site de Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur beatlesmagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde, c'est beatlesmagazine.com. Merci Lovely Rita. Et vive les Beatles, les Beatles, les Beatles. C'est la saga. This is for you, lovely Rita. Les Beatles sur RIG 90.7. Extrait de l'album Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, sorti en 1967. Retour à l'album de la semaine, l'album Cloud Nine sur RIG. Nouveau morceau, encore une fois bien influencé de Jeff Lynne, That's What It Takes. Never fade away. Breathe fresh air ever after.

savez qu'à la saga, j'aime bien quelquefois vous surprendre. Vous ne vous y attendez pas. Et hop, ce que vous attendiez peut-être est là. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un pote qui s'appelle Cyril. Et pour lui, ben, on a choisi de programmer Birthday. Bon anniversaire, Cyril. La part de toute l'équipe de la saga Les Fab Four, et on est nombreux. Il y a la standardiste, la script, celle qui apporte les boissons, celle qui répond au téléphone. Enfin, c'est la même que la standardiste d'ailleurs. Hein. Bon, bref, on continue avec l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Cloud Nine, sorti en 1987 par George Harrison. Et ce titre, aucun rapport avec la chanson d'avant, This is Love. RIG 90.7, la radio des Beatles. jokes just for me. Always in posing, and I'd rather meet a tree somewhere out in the cornfield. And it's a sunshine. Life for me. Ringo Starr avec un peu d'aide d'un ancien pote, George Harrison. C'est lui qui a écrit la chanson pour Ringo Starr. Il était en Irlande avec le compositeur Donovan lorsqu'il s'est mis à écrire cette chanson-là. Et c'est plus d'influence irlandaise que d'influence country. Ça m'étonne parce que moi je voyais ça assez country. Mais bon, c'est après tout, pourquoi pas. C'est vrai que ça ressemble pas à du George Harrison. Mais c'est quand même bien. Tiens, et puisque je vous tiens, c'est facile de vous tenir, c'est moi qui suis aux commandes. Ringo Starr va sortir un nouvel album et vous savez les hippies, les EP, les petits albums, on peut appeler ça comme ça, et c'est bien. Et allez voir sur le site Facebook de la saga des Fab Four, je le tiens du Beatles Magazine, pour la première fois depuis très longtemps. Non, quelquefois il arrive à faire des albums avec une pochette pas trop mal. Mais là, la pochette c'est lui jeune, à la plage, et franchement c'est une belle pochette. C'est à sortir très bientôt. Évidemment, on en parlera dans la saga des Fab Four. I'm Let's go. Back, back, back. 1970, Let It Be, sur l'album Let It Be. For You Blue, terminé en 6 prises, For You Blue fut d'abord appelé George's Blues, tandis que le manuscrit original a pour titre For You Blues, avec un S. George avait toujours été le Beatle le plus désireux de découvrir de nouveaux horizons musicaux, et cela le rapprocha de musiciens comme Ravi Shankar et Eric Clapton. Cela l'incita également à toujours expérimenter de nouveaux réglages, instruments, styles et techniques. Écrite pour Patty, la chanson For You Blue est un exercice de style, George s'étant imposé de composer un blues traditionnel. Il ne fit qu'un commentaire sur ce titre, et vous allez voir la portée. C'est un simple blues sur 12 mesures qui suit toutes les conventions d'une chanson en 12 mesures, sauf qu'il est optimiste. Vous n'en aurez pas plus. Et là, on n'a pas parlé d'optimisme. Nobody loves you when you're down and out. John Lennon sur RG. Nobody loves you when you're down and out. Nobody sees you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. I'll scratch your back. Yeah. c'est superbe. Nobody Loves You When You're Down and Out sur l'album Walls and Bridges en 1974. Retour à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Cloud Nine, sorti en 1987. Une belle pochette. George Harrison tient une guitare. Alors, je ne suis pas assez fort pour savoir de quelle guitare il s'agit. Une guitare. Une guitare, et il est derrière un ciel joli, quoi, bleu, tout va bien. Et il semblait aller vraiment très bien. Il nous fait un beau sourire sous la pochette. Et c'est vrai qu'il était content de revenir, et pour cause. La chanson suivante s'appelle « When We Was Fab ». Il a essayé de sonner un petit peu comme il le faisait du temps des Beatles. Et là, je vais mettre un petit bémol avant de vous faire passer la chanson. Parce que 2 ans après, en 1989, lorsque Paul McCartney sort « My Brave Face », George Harrison l'a un petit peu critiqué en disant « Oui, il nous refait les Beatles, blablabla, il devrait pas, etc. » Mais il l'a fait 2 ans avant, lui, avec « When We Was Fab ». Bon, c'est pas grave, on lui en veut pas. Comme dit McCartney, s'il y a des gens qui ont la possibilité de refaire les Beatles, de faire sonner comme les Beatles, c'est bien les ex-Beatles. Donc George Harrison à l'époque, Paul McCartney et Ringo Starr, si ça lui chante. Parce que y a pas de raison, ils en ont fait partie et ils savent se faire sonner comme du Beatles. Voici When We Was Fab dans le clip, qui est plutôt très sympa. Il y a George Harrison et Ringo Starr. Back then, long time ago, when grass was green. Un petit clin d'œil au George Harrison qui aime la musique indienne. Au passage, en 1987, et sur la fin du clip, c'est plutôt rigolo parce que vous voyez George Harrison se mettre en position du lotus, mais l'éviter. Il est donc en l'air, si je me souviens bien, et il a 3, 4, 6, 12 bras qui sortent de lui-même. C'est drôle, il avait de l'humour, George Harrison. On avait l'impression qu'il était un peu pincé, mais il était pince sans rire surtout. Bref, nous en sommes déjà, on est un peu en avance, à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit en solo ou avec les Beatles, même si avec les Beatles, ils reprenaient déjà une chanson de leur père, comme Chuck Berry ou un truc comme ça. Eh bien, là, c'est tout frais, c'est tout neuf. C'est extrait de l'album Cowboy Carter. Oui, c'est Beyoncé. J'ai acheté l'album exprès pour vous. Voici la chanson Blackbird, la reprise de la chanson des Beatles par Madame Beyoncé. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. To see all your life. Waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Cover adoubé par Monsieur Paul McCartney lui-même. Il a dit, j'aime beaucoup cette cover, elle est très bien faite. Bravo Beyoncé. Voilà. Vous voyez qu'avec la saga des Fab Four, on parle des années 60, mais pas seulement, on parle de 2024. C'est maintenant pour la saga. Et dans la deuxième rubrique de la saga, celle des fils de... Oui, mais fils de gentils, hein. Fils de John Lennon, fils de Paul McCartney, fils de George Harrison. Fils de Ringo Starr, ça c'est plus dur parce que je n'ai pas d'album des Who et puis il me semble que Zach Starkey, ne chante pas. Il fait batteur. Alors, proposer une chanson dans laquelle on n'entend que la batterie de Zach Starkey, je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt, même si bon, les Who, c'est quand même quelque chose. Bref, lui, c'est, à mon avis, et ça n'est que mon avis, le plus doué des fils d'eux. C'est Julian Lennon. En 1998, sur l'album Saltwater, je regarde si c'est bien 1998 parce que j'ai un doute. Oh, 1991, sur l'album Help Yourself. Voici la chanson Saltwater. Il fallait tout remettre dans l'ordre, c'est fait. Help Yourself, 1991, et la chanson Saltwater sur RIG. Golden sun. good afternoon. Good night. McCartney, le caméléon, celui qui est capable de faire de la bonne musique dans n'importe quel style. Sur cet album, Tug of War, en 1982, il a invité Stevie Wonder. La première chanson, c'est Ebony and Ivory, on va dire dans le style de McCartney. Et cette chanson-là que vous venez d'entendre, What's That You're Doing, c'est clairement dans le style de Stevie Wonder. Et ça passe, et c'est très très bien. J'aime beaucoup cette chanson, elle n'a pas été promue en radio suffisamment, je trouve, mais grâce à la saga des Fab Four, eh bien, ça passe. Voilà. Voici la balade de John et Yoko. Il dit simplement ce qui se passe. Il dit, on a voulu se marier, mais il a fallu qu'on descende jusqu'en Espagne parce que personne ne voulait que je me marie avec Yoko. Et blablabla, blablabla. Et pourtant, c'est une superbe chanson. John Lennon et Paul McCartney sur cette chanson-là. Get to Hampton, trying to get to Holland or France. The man in the mask said, you've got to go back. You know they didn't even give us a chance. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Finally made the plane into Paris. Morning down by the Seine. Peter Brown called to say, you can make it okay. You can get married in Gibraltar, near Spain. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. I drove from Paris to the Amsterdam Hill. Talking in our beds for a week. The news people said, say what you're doing in bed. I said, we're only trying to get us some peace. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Saving up your money for a rainy day. Giving all your clothes to charity. To Vienna, eating chocolate cake in the back. Newspaper said she's gone to his head. They look just like two gurus in black. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Call me early, pray back to London. J'ai dit tout à l'heure que les Beatles se limitaient à John et Paul, tout simplement parce que The Ballad of John and Yoko fut enregistré par Paul et John seulement. Paul jouant de la basse, du piano, des maracas et de la batterie, tandis que John chantait et jouait toutes les parties de guitare. On entend aussi quand même Paul McCartney dans les chœurs et notamment en contrevoix. The Ballad of John and Yoko, dans laquelle John raconte les détails de son mariage avec Yoko à Gibraltar et leur étrange lune de miel, fut enregistré à la mi-avril et sorti avant que le mois de mai ne soit terminé. La chanson dépeint le couple comme des victimes que l'on veut crucifier. Ils sont refoulés à Southampton, on leur refuse le mariage en France, puis ils sont incompris lorsqu'ils font un bed-in pour la paix et raillés lorsqu'ils s'assaient dans un sac. John oublie néanmoins de signaler certains détails. Ils ne furent pas refoulés à Southampton à cause de leur célébrité, mais parce qu'ils voulaient franchir la frontière sans passeport. L'avion qui leur permit enfin d'arriver en France n'était pas un vol régulier, mais un jet privé que John réclama d'urgence lorsqu'il apprit qu'il ne pouvait pas se marier dans un ferry. Bref, c'était un petit peu compliqué et surtout, Paul McCartney s'était dit, Déjà en 1966, il avait dit « Nous sommes plus célèbres que Jésus-Christ ». Là, il remet une couche en mettant « The way things are going, they're gonna crucify me ». De la façon dont vont les choses, ils vont me crucifier. Dans les radios, ça passait pas, ça. Et justement, voici Devil's Radio, extrait de l'album de la semaine, sur RIG, George Harrison. Devil's Radio. Gossip. Oh yeah. Let's go back, back, back, back, back. L'autre chanson de George Harrison avec les Beatles. Il était temps de passer aussi cette chanson-là. Here Comes the Sun. Très, très, très, très belle. Tout à l'heure, on a passé le duo Paul McCartney et Stevie Wonder. Voici le duo Paul McCartney et Michael Jackson. Là encore, la chanson style... je ne sais pas si la chanson style McCartney, c'est Say, Say, Say. Et la chanson style Michael Jackson, c'est The Man. En tout cas, ils se débrouillent bien et cette chanson également n'a pas été assez promotionnée dans les radios, je trouve. Et on répare ça dans la saga des Fab Four, c'est normal. Voici The Man sur l'album Pipes of Peace, un an après, en 1983, sur RG, bien sûr. Nom de Zeus, 41 ans déjà, qu'est-ce que ça passe vite. The game. life so well. Ooh, there's such a man. His thoughts you can never tell. Ooh, and it's just the way he thought it would be. Cause the day has come for him to be free. Then he laughs, he kicks, then rolls up his sleeves. I'm alive and I'm here forever. This is the man. And it's just the way he thought. A man. Everybody thought they knew. Ooh, there's such a man. He's not like me and you. Ooh, and it's just the way she thought it would be. As he says, something has happened to me. Then he laughs, he kicks and rolls up his feet. I'm alive and I'm here forever. This is the man. Peut-être vous souvenez-vous, en 1979, Michael Jackson, sur son premier, alors, grand album solo, parce qu'il en avait fait avant, il avait fait Ben, musique du film, etc. Mais celui qu'il a fait vraiment décoller en solo, c'est l'album Off the Wall, en 1979. Et il y a une chanson sur cet album-là qui s'appelle Girlfriend. Cette chanson a été écrite par Paul McCartney, qu'il a d'ailleurs, tout en l'offrant à Michael Jackson, qu'il a sorti lui-même en 1978 sur l'album London Town. Les deux morceaux sont vraiment différents. Mais voici la version de Paul McCartney en 1978. Yann fait une réflexion sur Facebook, puisque j'ai dit au début de la chanson que les versions étaient différentes. Il dit, elles sont pas si différentes que ça. C'est pas faux, puisque je me suis rendu compte en réécoutant cette chanson, ça faisait un petit moment que je l'avais pas entendue. McCartney chante haut, moins haut que Michael Jackson, mais bon, quand même, ça doit être fait exprès, à mon avis. Et puis, il y a les tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu, comme le fait Michael Jackson. Plus haut, quand même. Mais, enfin, plus haut que moi. Bref, étant donné que Eric n'est pas là, on va terminer la playlist. Il nous reste encore quelques chansons à écouter. Et j'ai même rajouté une chanson, parce que cet album, Cloud Nine, est vraiment un très bon album de George Harrison. Donc, on écoute Wreck of the Hesperus. Alors, j'ai regardé. Wreck of the Hesperus, ce serait l'épave de l'Hesperus. Savoir ce que c'est l'Hesperus. J'ai regardé, ça peut être un dieu. C'est peut-être un navire, je ne sais pas. Il faudrait songer à regarder ça d'un petit peu plus près. Et puis, il y aura une dernière chanson de l'album de la semaine, donc un septième titre. Ce sera Got My Mind Set On You, mais tout à l'heure. Chanson rare de Monsieur Ringo Starr en 1987. Je vous propose maintenant deux versions. Celle que vous connaissez et que certains d'entre vous n'apprécient pas. What You Got de John Lennon en 1974 sur l'album Walls and Bridges. Je vous propose un extrait simplement de What You Got que vous connaissez et après une version de travail, un peu comme l'anthologie d'ailleurs, cet extrait de Once Upon a Time qui est le best-of de l'anthologie Lennon. Écoutez d'abord la première version, enfin la version connue. Moi j'aime beaucoup parce que ça dégage la gorge. Voilà, mais maintenant une version beaucoup plus cool. Voilà, c'est la version démo et franchement, ça n'a rien à voir. Il a décidé de lui donner beaucoup plus de punch après. Et franchement, moi j'aime bien la chanson avec du punch, je trouve ça vraiment très très très bien. Tout à l'heure, lorsque nous avons fait la cover, nous avons écouté Blackbird, adoubé par Paul McCartney. Donc voici la version de Blackbird des Beatles. RIG 90.7, la radio des Beatles. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Black night.

Un des plus gros succès de George Harrison en solo, Got My Mind Set on You. Ce n'est même pas une chanson de lui, c'est une reprise. Mais quelle bonne reprise en tout cas. Il y a deux clips sur cette chanson-là. La première sur laquelle on le voit dans une foire et c'est dans un jukebox que ça se passe, etc. Et la deuxième, il est dans une sorte de manoir. Et le plus drôle, c'est qu'à un moment donné, il est assis dans un fauteuil en train de jouer de la guitare. Et à un moment donné, on le voit se lever et puis faire de la danse, mais absolument acrobatique. Et il avait dit, au sujet de ce passage-là, il avait dit « Mais bien sûr que je suis doublé. Vous m'imaginez, moi, en train de faire de la danse comme ça ? Absolument impossible. » Voilà. Il y avait de l'humour, je le répète. On va terminer l'émission avec trois chansons, avec le Paul McCartney et Caméléon. Ça fait très très longtemps que je ne vous ai pas proposé ces chansons-là. On va commencer par une chanson de 1984 et l'autre de 2004, 20 ans plus tard. La première, c'est « We All Stand Together » et la deuxième, c'est « Tropic Island Hum » qui a été enregistrée en 1987 mais qui n'est sortie qu'en 2004. Paul McCartney, quand il s'amuse, et c'est sur RG. Side by side, and in hand. island, glad you came to call. Now you've made yourself at home, you're welcome to us all. We are simple people, why are we this way? This is what we always say. It's the way that we bang on the bongo. It's the way that we bang on the big bass drum. The way that we sing in a song. It's a tropic island hum. Hum, hum, hum. Sea and sand. It's jolly nice in paradise. Lordy, ain't life grand? Everyone is happy, joining in the fun. Do it like we've always done. It's the way that we shake and the shake. It's the way that we bang the big bass drum. The way that we bake and the cake makes the tropic island hum. It's the way that we bongo the bongo. Good, good, good. Feeling good. Tonight's a special night. Ça fait quoi? Ça fait New Orleans, le deuxième, non? Plutôt sympa. En tout cas, c'est deux chansons faites pour rire, reliées à des dessins animés. Et la preuve que Paul McCartney sait tout faire, tout ce qu'il veut. Et il le fait en général très très bien. Ça, c'est une face B. Coochie Coochie, Ringo Starr, extrait de Bookups of Blues, 1970. To me and let me see you. Where are you, my coochie coochie, coochie coochie coo? I've traveled all over, seen everything there is to see. Where are you, my coochie coochie, coochie coochie coo? I got everything that I ever wanted, and everything. Where are you, my coochie coochie? tenait tranquillement jusqu'à un peu plus de 22h. Merci d'être resté à l'écoute de cette 597e édition de la saga des Fab Four. La saga des Fab Four, vous le savez depuis la semaine dernière, mais je vous l'avais déjà répété avant, elle existe depuis 40 ans. Je l'ai créée quelque part en 1984 et je sais qu'il y a de nouveaux adeptes, je sais qu'il y a des gens qui découvrent la saga des Fab Four. Alors parlez-en autour de vous, c'est uniquement sur RIG 90.7 pour ceux qui sont autour de Bordeaux, et pour le reste du monde, je dis bien le monde, et je l'ai prouvé la semaine dernière, c'est sur www.rigfm.fr. Bonne soirée, n'oubliez pas que lorsqu'il n'y a pas Eric, il y a un petit bonus, ça devient une tradition juste après le générique, et à très bientôt. Salut. Exchanging information. I will, yes I will, yes I will now. Yes I will, yes I will.